d'une lecture de DJ Rebel pour audiocité.net, Croublanc de Jack London, le chapitre 18, La mort adhérente. Lorsque l'heure de la rencontre fut venue, Beauty Smith détacha la chaîne qui retenait Croublanc et se retira en arrière. Croublanc, pour une fois, ne fit pas une attaque immédiate. Il demeura immobile, les oreilles pointées en avant, alerte et curieux, observant l'étrange animal qu'il avait devant lui. Jamais il n'avait vu un semblable chien. Tim Kenan poussa le bulldog en lui disant à mi-voix « Vas-y ». Le bulldog se dandinait au centre du cercle qui entourait les deux champions, court, trapu et l'air gauche. Il s'arrêta après quelques pas et loucha vers Croublanc. Il y eut des cris dans la foule « Vas-y, Cherokee, crève-le, Cherokee, bouffe-le !» Mais Cherokee ne semblait pas disposé à combattre. Il tourna la tête vers les gens qui criaient, en clignant de l'œil et en agitant son bout de queue avec bonne humeur. Ce n'était pas qu'il eût peur de Croublanc. Non, c'était simple paresse de sa part. Il ne lui semblait pas d'ailleurs qu'il fût dans ses obligations de combattre le chien qu'on lui présentait. Cette espèce ne figurait point sur la liste à laquelle il était accoutumé et il attendait qu'on lui offrît un autre chien. Tim Kinnan entra dans l'enceinte et, se courbant vers Cherokee, se mit à lui gratter les deux épaules, à lui rebousser le poil afin de l'inciter à aller de l'avant. Le résultat en fut d'irriter le chien peu à peu. Cherokee commença à gronder d'abord en sourdine, puis plus âprement dans sa gorge. Au rythme des doigts correspondait celui des grondements qui, au fur et à mesure que le mouvement de la main s'accélérait, devenaient plus intenses et brusquement se terminèrent en un aboi furieux. Tout ce manège ne laissait pas non plus Croublanc insensible. Son poil se soulevait sur son cou et ses épaules. Tim Kenan, après avoir passé la main sur le poil de sa bête encore une fois, abandonna Cherokee à lui-même. Le bulldog était prêt à s'élancer. Mais déjà, Croublanc avait frappé. Un cri d'admiration et de stupeur s'éleva. Avec la rapidité et la souplesse d'un chat plutôt que d'un chien, il avait couvert la distance qui le séparait de son adversaire, puis avait rebondi au large après l'avoir lacéré. Le bulldog saignait d'une oreille arrachée et d'une large morsure dans son cou épais. Il n'eut pas l'air d'y prêter attention, ne laissa pas échapper une plainte, mais marcha sur Croublanc. La vélocité de l'un, l'inébranlable tenue de l'autre passionnait la foule. Les premiers paris se renouvelèrent avec une mise augmentée. D'autres furent engagés. La même attaque et la même parade se répétèrent. Croublanc bondit encore en avant, lacéra puis refluant en arrière sans être touché. Et encore son étrange ennemi le suivit sans trop se presser, sans lenteur excessive, mais délibérément, avec détermination, comme montrait une affaire. Il avait de toute évidence un but qu'il se proposait et une méthode pour arriver à ce but. Le reste ne comptait pas et ne devait pas le distraire. Croublanc s'en aperçut, et cela le rendit perplexe. Il en était tout dérouté. Ce chien était décidément bien étrange. Il avait le poil ras et ne possédait point de fourrure protectrice. Les morsures s'enfonçaient sans peine dans une chair grasse qu'aucun matelot ne protégeait, et il ne semblait pas que l'animal eût la capacité de s'en défendre. Il ne se fâchait pas non plus, et saignait sans se plaindre, ce qui était non moins déconcertant. À peine un léger cri lorsqu'il avait reçu son châtiment. Ce n'était pas pourtant que Cherokee fût impuissant à se mouvoir. Il tournait et virait même assez vite, mais Croublanc n'était jamais là où il le cherchait. Il en était fort perplexe lui aussi. Il n'avait jamais combattu avec un chien qu'il ne pouvait appréhender, avec un adversaire qui ne cessait pas de danser et de biaiser autour de lui. Croublanc ne réussissait pas cependant à atteindre comme il l'eût voulu le dessous de la gorge du bulldog. Celui-ci la tenait trop bas, et ses mâchoires massives lui étaient une protection efficace. Le sang de Cherokee continuait à couler. Son cou et le dessus de sa tête étaient tailladés, et il persistait à poursuivre inlassablement Croublanc, qui restait indemne. Une seule fois, il s'arrêta durant un moment, abasourdi, en regardant de côté vers Tim Kenan et en agitant son tronçon de queue en signe de sa bonne volonté. Puis il reprit avec application sa poursuite, en tournant en rond derrière Croblant. Soudain, il coupa le cercle que tous deux décrivaient et tenta de saisir son adversaire à la gorge. Il ne le manqua que de l'épaisseur d'un cheveu, et des applaudissements crépitèrent à l'adresse de Croblant, qui avait échappé. Le temps passait. Croblant répétait ses soubresauts et Cherokee s'acharnait avec la sombre certitude que tôt ou tard il atteindrait son but. Ses oreilles n'étaient que de minces rubans, plus de 100 blessures les couvraient et ses lèvres même saignaient, toutes coupées. Parfois, Croblant s'efforçait de le renverser à terre, patte en l'air, en se jetant sur lui. Mais son épaule était plus haute que celle du chien et la manœuvre avortait. Il s'obstina à la renouveler et, dans un élan plus fort qu'il avait pris, il passa par-dessus le corps de Cherokee. Pour la première fois depuis qu'il se battait, on vit Croblant perdre pied. Il tournoya en l'air pendant une seconde, se retourna comme un chat, mais ne réussit pas à retomber immédiatement sur ses pattes. Il chut lourdement sur le côté, et quand il se redressa, les dents du bulldog s'étaient incrustées dans sa gorge. La prise n'était pas bien placée, elle était trop bas vers la poitrine, mais elle était solide. Croblant, avec une exaspération frénétique, s'efforça de secouer ses dents resserrées sur lui, ce poids qu'il sentait pendu à son cou. Ses mouvements maintenant n'étaient plus libres. Il lui semblait qu'il avait été happé par une chausse-trappe. Tout son être s'en révoltait au point de tomber en démence. La peur de mourir avait tout à coup surgi en lui, une peur aveugle et désespérée. Il se mit à virer, courir à droite, courir à gauche, tant pour se persuader qu'il était toujours vivant, que pour tenter de détacher les 50 livres que traînait sa gorge. Le bulldog se contentait à peu de choses près de conserver son emprise. Quelquefois, il tentait de reprendre pied pendant un moment afin de secouer Croblant à son tour. Mais l'instant d'après, Croblant l'enlevait à nouveau et l'emportait à sa suite dans des mouvements giratoires. Cherokee s'abandonnait consciemment à son instinct. Il savait que sa tâche consistait à tenir dur, et il en éprouvait de petits frissons joyeux. Il fermait béatement les yeux et, sans se raidir, se laissait balloter de ci, de là, avec abandon, indifférent aux heurts auxquelles il était exposé. Croblant ne s'arrêta que lorsqu'il fut exténué. Il ne pouvait rien contre son adversaire. Jamais pareille aventure ne lui était arrivée. Il se coucha sur ses jarrets, pantelant et cherchant son souffle. Sans relâcher son étreinte, le bulldog tenta de le renverser complètement. Croblant résista à cet effort, mais il sentit que les mâchoires qui le tenaillaient, par un imperceptible mouvement de mastication, portaient plus haut leur emprise. Patiemment, elles travaillaient à se rapprocher de sa gorge. Dans un mouvement spasmodique, il réussit à mordre lui-même le cou gras de Cherokee, là où il rattache à l'épaule. Mais il se contenta de le lacérer pour lâcher prise ensuite. Il ignorait la mastication de combat et sa mâchoire au surplus n'y était point apte. Un changement se produisit à ce moment dans la position des deux adversaires. Le bulldog était parvenu à rouler Croblant sur le dos et, toujours accroché à son cou, lui était monté sur le ventre. Alors Croblant, se ramassant sur son train de derrière, s'était mis à déchirer à coups de griffes, à la manière d'un chat, l'abdomen de son adversaire. Cherokee n'eût pas manqué d'être éventré s'il n'eût rapidement pivoté sur ses dents serrées, hors de la portée de cette attaque imprévue. Mais le destin était inexorable, comme la mâchoire qui, dès lors que Croblant demeurait un instant immobile, continuait à monter le long de la veine jugulaire. Seule la peau flasque de son cou et l'épaisse fourrure qui la recouvrait sauvaient encore de la mort le jeune loup. Cette peau formait un gros rouleau dans la gueule du bulldog, et la fourrure défiait toute entame de la peine des dents. Cependant, Cherokee absorbait toujours plus de peau et de poils, et de la sorte étranglait lentement Croblant, qui respirait et soufflait de plus en plus difficilement. La bataille semblait virtuellement terminée. Ceux qui avaient parié pour Cherokee exultaient et offraient de ridicules surenchères. Ceux, au contraire, qui avaient misé sur Croblant étaient découragés et refusaient des paris à 10 pour 1, à 20 pour 1. On vit alors un homme s'avancer sur la piste du combat. C'était Beauty Smith. Il étendit son doigt dans la direction de Croblant, puis se mit à rire avec dérision et mépris. L'effet de ce geste ne se fit pas attendre. Croblant, en proie à une rage sauvage, appela à lui tout ce qui lui restait de force et se remit sur ses pattes. Mais après avoir traîné encore autour du cercle les 50 livres qu'il portait, sa colère tourna en panique. Il ne vit plus que la mort adhérente à sa gorge et trébuchant, tombant, se relevant, enlevant son ennemi de terre, il lutta vainement, non plus pour vaincre, mais pour sauver sa vie. Il tomba à la renverse, exténué, et le bulldog en profita pour enfouir dans sa gueule un bourrelet de peau et de poils encore plus gros. La strangulation complète était proche. Des cris, des applaudissements s'élevèrent à la louange du vainqueur. On clama « Cherokee, Cherokee !» Cherokee répondit en remuant le tronçon de sa queue, mais sans se laisser distraire de sa besogne. Il n'y avait aucune relation de sympathie entre sa queue et ses mâchoires massives. L'une pouvait s'agiter joyeusement sans que les autres détendissent leur implacable étau. Une diversion inattendue survint sur ces entrefaites. Un bruit de grelots résonna, mêlé à des aboiements de chiens de traîneau. Les spectateurs tournèrent la tête, craignant de voir arriver la police. Il n'en était rien. Le traîneau venait à toute vitesse de la direction opposée à celle du fort, et les deux hommes qui le montaient rentraient sans doute de quelque voyage d'exploration. Apercevant la foule, ils arrêtèrent leurs chiens et s'approchèrent afin de se rendre compte du motif qui réunissait tous ces gens. Celui qui conduisait les chiens portait moustache. L'autre, un grand jeune homme, était rasé à fleur de peau. Il était tout rouge du sang que l'air glacé et la rapidité de la course lui avaient fait affluer au visage. Gros Blanc continuait à agoniser et ne tentait plus de lutter. Seuls des spasmes inconscients le soulevaient encore par saccades en une résistance machinale qui s'éteindrait bientôt avec son dernier souffle. Beauty Smith ne l'avait pas perdu de vue une seule minute. Même les nouveaux venus ne lui avaient pas fait tourner la tête. Lorsqu'il s'aperçut que les yeux de son champion commençaient à se ternir, quand il se rendit compte que tout espoir de vaincre était perdu, l'abîme de brutalité où se noyait son cerveau submergea le peu de raison qui lui demeurait. Perdant toute retenue, il s'élança férocement sur Croblant pour le frapper. Il y eut des cris de protestation et des sifflets, mais personne ne bougea. Beauty Smith persistait à frapper la bête à coups de souliers ferrés lorsqu'un remous se produisit dans la foule. C'était le grand jeune homme qui se frayait un passage, écartant les gens à droite et à gauche sans cérémonie ni douceur. Lorsqu'il parvint sur l'arène, Beauty Smith était justement en train d'envoyer un coup de pied à Croblant, et une jambe levée se tenait en équilibre instable sur son autre jambe. L'instant était bon, et le grand jeune homme en profita pour appliquer à Beauty Smith un maître coup de poing en pleine figure. Beauté fut soulevée du sol, où tout son corps cabriola en l'air, puis il retomba violemment à la renverse sur la neige battue. Se tournant ensuite vers la foule, le grand jeune homme cria: Tas de lâches! Tas de brutes! Il était en proie à une rage folle, à une sainte colère. Ses yeux gris avaient des lueurs métalliques et des reflets d'acier qui fulguraient vers la foule. Beauty Smith, une fois debout, s'avança vers lui, reniflant et apeuré. Le nouveau venu, sans attendre de savoir ce qu'il voulait et ignorant l'abjection du personnage, pensa que Beauté désirait se battre. Il se hâta donc de lui écraser la face d'un second coup de poing avec un « Espèce de brute !» Beauty Smith, renversé à nouveau, jugea que le sol était la place la plus sûre qu'il y eût pour lui, et il resta couché là où il était tombé, sans plus essayer de se relever. « Viens ici, Matt, et aide-moi !» dit le grand jeune homme à son compagnon qui l'avait suivi dans le cercle. Les deux hommes se courbèrent vers les combattants. Matt soutint Croblant, prêt à l'emporter dès que les mâchoires de Cherokee se seraient détendues. Mais le grand jeune homme tenta en vain avec ses mains d'ouvrir la gueule du bulldog. Il suait, tirait, soufflait en s'exclamant entre chaque effort « Brute !» La foule commença à grogner et à murmurer. Les plus hardis protestèrent qu'on venait les déranger dans leur amusement. Mais ils se taisaient dès que le grand jeune homme quittait son occupation, les fixait des yeux et les interpellait « Brute ! Ignoble brute !» « Tous vos efforts ne servent de rien, monsieur Scott, » dit Matt à la fin. « Vous ne pourrez les séparer en vous y prenant ainsi. » Ils se relevèrent et examinèrent les deux bêtes toujours rivées l'une à l'autre. Il ne saigne pas beaucoup, prononça Matt, et ne va pas mourir encore. La mort peut survenir dans un instant, répondit Stock. Là, vois-tu, le bulldog a remonté encore un peu sa morsure. Il frappa Cherokee sur la tête, durement et plusieurs fois. Les dents pour autant ne se desserrèrent point. Cherokee remuait son tronçon de queue, ce qui voulait dire qu'il comprenait la signification des coups, mais aussi qu'il savait être dans son droit et accomplir strictement son devoir en refusant de lâcher prise. Allons! Quelqu'un de vous ne viendra-t-il pas nous aider? Cria Scott à la foule en désespoir de cause. Mais son appel demeura vain. On se moqua de lui, on lui donna de facétieux conseils, on le blagua avec ironie. Il fouilla dans l'étui qui pendait à sa ceinture et en tira un revolver dont il s'efforça d'introduire le canon entre les mâchoires de Cherokee. Il taraudait si dur qu'on entendait distinctement le crissement de l'acier contre les dents. Les deux hommes étaient à genoux, courbés sur les deux bêtes. Tim Kenan s'avança vers eux sur l'arène et, s'étant arrêté devant Scott, lui toucha l'épaule en disant « Ne brisez pas ses dents, étranger. »« Alors c'est son cou que je lui briserai, » répondit Scott en continuant son mouvement de va-et-vient avec le canon du revolver. « Je dis ne brisez pas ses dents, » répéta le maître de Cherokee d'un ton plus solennel encore. Mais son bluff fut inutile et Scott ne se laissa pas démonter. Il leva les yeux vers son interlocuteur et lui demanda froidement « Ton chien ?» Tim Kenan émit un grondement affirmatif. « Alors viens à ma place et brise sa prise. » Tim Kenan s'irrita. « Étranger, je n'ai pas pour l'habitude de me mêler des choses que je ne saurais faire. Je serais impuissant à ouvrir ce cadenas. En ce cas, ôte-toi de là et ne m'embête pas. » Scott avait déjà réussi à insinuer le canon du revolver sur un des côtés de la mâchoire. Il manœuvra tant et tant qu'il atteignit l'autre côté. Après quoi, comme il le fait avec un levier, il desserra peu à peu les dents du bulldog. Matt sortait à mesure de la gueule entr'ouverte, le bourrelet de peau et de poils de Cro-Blanc. Prépare-toi à recevoir ton chien, ordonna Scott d'un ton péremptoire à Tim Kenan, qui était demeuré debout sans s'éloigner. Tim Kenan obéit et, se penchant, saisit fortement Cherokee, qu'une dernière pesée du revolver décrocha complètement. Le bulldog se débattait avec vigueur. Tire-le au large, commanda Scott. Tim Kenan et Cherokee, l'un traînant l'autre, s'éloignèrent parmi la foule. Cro-Blanc fit pour se relever plusieurs efforts inutiles. Comme il était arrivé à se remettre sur ses pattes, ses jarrets trop faibles le trahirent, et il s'affaissa mollement. Ses yeux étaient mi-clos et leurs prunelles toutes ternes. Sa gueule était béante et la langue pendait, gonflée et inerte. Il avait l'aspect d'un chien qui a été étranglé à mort. Matt l'examina. Il est à bout, mais il respire encore. Durant ce temps, Beauty Smith s'était remis droit et s'approcha. Matt, combien vaut un beau chien de traîneau? Demanda Scott. Le conducteur du traîneau, encore agenouillé sur Cro-Blanc, calcula un moment. 300 $, répondit-il. Et combien pour un chien en marmelade comme celui-ci? La moitié. Scott se tourna vers Beauty Smith. Entends-tu, monsieur la brute? Je vais prendre ton chien et te donner pour lui 150 $. Il ouvrit son portefeuille et compta les billets, mais Beauty Smith croisa ses mains derrière son dos et refusa de prendre la somme. Je suis pas vendeur, dit-il. Oh, si tu l'es, assura l'autre, parce que je suis acheteur. Voici ton argent, le chien m'appartient. Beauty Smith, les mains toujours derrière le dos, se recula. Scott avança vivement vers lui, le poing levé pour frapper. Beauty Smith se courba en prévision du coup. J'ai mes droits, gémit-il. Tu as forfait à ces droits. Es-tu disposé à recevoir cet argent ou vais-je avoir à frapper à nouveau? C'est bon, dit Beauty Smith avec toute la célérité de la peur. Mais je prends l'argent en protestant, ajouta-t-il. Le chien est mon bien, je suis volé, un homme a ses droits. Très correct, répondit Scott en lui remettant les billets. Un homme a ses droits. Mais tu n'es pas un homme, tu es une sale brute. Attendez que je revienne à Dawson, menaça Beauty Smith, j'aurai la loi pour moi. Si tu ouvres le bec à ton retour à Dawson, je te ferai expulser la ville. Est-ce compris? Un grognement fut la réplique. Comprends-tu? Cria Scott dans un accès soudain de colère. Oui, grogna encore Beauty Smith en se reprenant à reculer. Oui, qui? Oui, monsieur. Attention, il va mordre, jeta quelqu'un dans la foule, et de grands éclats de rire s'élevèrent. Scott, tournant le dos, s'en revint aider son compagnon qui poussait Croc-Blanc vers le traîneau. Une partie des spectateurs s'était éloignée, d'autres étaient restés, formant des groupes qui regardaient et causaient. Tim Kenan rejoignit un de ces groupes. Quelle est cette gueule? Demanda-t-il. Widon Scott, répondit quelqu'un. Par tous les diables, qui alors est Widon Scott? Un de ces crâneurs d'ingénieurs des mines. Il est au mieux avec toutes les grosses punaises de Dawson. Si vous craignez les ennuis, vous feriez bien de naviguer loin de lui. Voilà ce que je vous dis. Il est intime avec tous les fonctionnaires, le commissaire de l'or et son meilleur copain. Je me doutais bien qu'il était quelqu'un, dit Tim Kenan. C'est pourquoi je l'ai ménagé.